بون نيلن دي بون امون نافي نيلن دانا مو امي يينا فكي وخلن دو بي بن ريونيون شيف ديتا لا وون كو خام غاي ري امون بن ديني سي ديتا ييب رساملو خام بن ايتاسوني ام في بن ديني شيف ديتا افريكان ديفوا اوروبيان امريكان اسياتيك ils étaient tous regroupés là-bas là. Senghor nak mondo representer Senegal mais kay le dîner était tellement bien servi tu vois xam tout était à sa place l'organisation fait la wax ni mais kay bo xol ay coupe yu nice lañ leen tekkel bi fourchette yu nice yo xamanteni non way senghor dafa gis fourchette rek bardé gis kudduy rek bardé kudduy comme or la la wax ni xol senghor ne ci xal mo li fokh mo am ci quoi fokh mo kaw ci ben sat ci ben quoi man ko seno tik tik ni waxe lan rek mi ci fekk mi jakarlo obasanjo mo mu ngi gis nak waji jël ben kuddu rek diko rof ci posam mom tamit di denc rek seno ringal pop ah wala seno tik tik rek ci taxaw jël verre bi rek feug kan kan kan kan mesdames et messieurs je vous prie de bien vouloir m'écouter je vais vous faire un peu de magie. Excellent, j'ai bien la cuillère. Voyez-vous cette cuillère que j'ai dans la main? Je vais la mettre dans ma poche et vous allez la retrouver dans la poche de Monsieur Obasanjo. Avec Obasanjo, de quoi les seigneurs et votre corps de Maïkani qui lui devenait qu'un. Avec seigneurs, ça va dire tout son temps lui aussi. Hein? Tourner les dames sur Obasanjo. Rek vide poche yi gaay ngeené fa kuddu yi ngeené fa rek gaay tajju sanga woy xam rek jël kuddu o wasa ngeen tek ko non ci table bi gaay sayo non lu mujjé satché kuddu bi la la wax ni non putain non gaay so fort quoi jajef